C'est dommage, moi j'aurais bien aimé un peu plus du monde et de tendresse. Si les hommes n'étaient pas si pressés de prendre maîtresse, ah, si j'étais un homme. J'appellerai tous les jours, rien que pour entendre ta voix. Je t'appellerai mon amour, insisterai pour qu'on se voit. Et j'inventerai un programme aux allures de soie, de gala. Mais je suis femme, et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. De nos jours, c'est chacun pour soi. Mais des histoires d'amour débordées n'arrivent qu'au cinéma. On devient économe. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé un peu plus de mots et de tendresse. Si les hommes n'étaient pas si pressés de prendre maîtresse, ah, si j'étais un homme, je serais romantique. Ça va ?